Gosse. Non. Y en a qui élèvent des gosses. Merde! Y en a. Qui élèvent des gosses au fond des HLM. Y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y en a qui popent plus de jouets, les sex symboles. Y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Elle chante le blues. Mais elle parle trop loose. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Il faut voter. Tourquée pour des machines. Y en a qui font la cour masculine, féminine. Y en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines. Et y en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn de moi sera jamais Norma Jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Je chante le blues. Ah merde, il manque un truc. Chante le blues. Mademoiselle chante le blues. Alors, excusez-moi, j'étais partie dans mon trip. Des mesures. J'ai l'impression qu'il manque des mesures. Il manque des mesures. Ok, c'est pas grave, on va essayer. Je démarre à 32. Il y en a qui élèvent des gosses au fond des HLM. Il y en a qui roulent... Ah, comment tu veux que je me calme? Oh, oh, oh.